Comment diriez-vous « je n'aurais pas pu le faire sans vous »« Je n'aurais pas pu »« Je n'aurais pas pu le faire » Comment allez-vous traduire cela en allemand ? Ich. Hätte. Ich hätte, bien. Donc, je n'aurais pas pu le faire. Ich. Ich hätte es nicht tun können. Ich hätte es nicht tun können. Ich hätte, je n'aurais pas, et können, qui vient à la fin, et qui ici n'est pas un infinitif, mais le participe passé de können. Ich hätte es nicht tun können. Ich hätte es ohne sie, sans vous. Ohne s'écrit O-H-N-E et signifie sans. Ohne sie, sans vous. Ich hätte es ohne sie nicht tun können. Ich hätte es ohne sie nie ou niemals tun können. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Comment diriez-vous, vous auriez pu me le dire? Sie hätten. Mm-hmm. Es mir. Oui. Vous auriez pu me le dire? Sie hätten es mir. Sagen können. Können, bien. Sie hätten es mir sagen können. Alors, reprenons. Können au passé. Par exemple, je pouvais. Ça donne. Ich. Konnten. Konnte. Ich konnte. Konnten, c'est la forme que prend können au passé avec wir, sie, le vous de politesse, et sie, il ou elle au pluriel. Et je pourrais, ich, könnten, könnte, könnte avec un umlaut, ich könnte. Könnten, c'est la forme que prend können au conditionnel pour wir, sie, le vous de politesse, et sie, il ou elle au pluriel. Et comment diriez-vous « j'aurais pu le faire » Ich. Ich hätte. Ich hätte. Es tun können. Können, bien. Ich hätte es tun können.